Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'artiste Sol Lewy, né le 9 septembre 1928 à Hartford et décédé le 8 avril 2017 à New York. Il étudiait à l'université de Syracuse, une école de beaux-arts à New York. Il est sculpteur, peintre, photographe, architecte, illustrateur, dessinateur. À partir des années 1960, il devient membre du courant minimaliste, mais également et surtout de l'art conceptuel. Avant de se consacrer à sa carrière d'artiste, il travaille dans un cabinet de l'architecte Pi. Grâce à cela, il a pu mettre en forme ses idées artistiques, notamment dans la précision géométrique. Il a commencé par créer des objets singuliers en contreplaqué qu'il pose par terre sans socle pour mettre en valeur le rapport plein-vide comme ainsi Serial Project No. 1, créé en 1966, placé au Museum of Modern Art à New York, et une structure de cubes d'aluminium recouverts de peinture émaillée. Deux éléments le composent. Un carré posé au sol, au centre, d'un parallélépipède légèrement plus vaste. C'est un travail caractéristique du minimalisme, seules les formes et les matériaux simples. En 1968, il crée son premier dessin mural, Wild Train, il dit « Je désirais créer une œuvre d'art qui soit aussi bidimensionnelle que possible. Il paraît plus naturel de travailler à même le mur plutôt que de prendre un accessoire, de le travailler puis de l'accrocher au mur. » Il choisit de ne pas réaliser lui-même ses Wild Train, mais de se concentrer sur leur conception. Leurs conceptions prennent la forme d'instructions où il décrit le protocole de réalisation du dessin, soit par texte, par schéma ou par diagramme. Chaque instruction est accompagnée d'un certificat d'authenticité attestant que Sol Lewy est bien l'auteur. L'œuvre, ici, la démarche, le concept. Il délègue la réalisation des wall drawings à des assistants, collègues, artistes, collectionneurs ou employés de musée. Parfois, un paraître de la création reste ouvert. Les réalisateurs ont alors une marge de liberté. C'est le cas du Wall Drawing situé au MUBA à Tourcoing, où il n'y a pas d'indication concernant la couleur. Sol Lewy s'explique en disant « Une fois que l'idée de l'œuvre est définie, dans l'esprit de l'artiste et de la forme finale décidée, les choses doivent suivre leur cours. Il peut y avoir des conséquences que l'artiste ne peut imaginer. Ce sont des idées qui sont à considérer comme des travaux d'art qui peuvent entraîner d'autres. C'est un artiste transdisciplinaire. Il exprime également des projections avec la danseuse Lucinda Shield. »